Faut pas perdre espoir, même si tout est noir, même loin de la victoire. Faut toujours y croire, avancer, sans penser au passé, évincer toutes nos mauvaises pensées. Faut pas perdre espoir, quelle qu'en soit la cause, à nous de voir le bon côté des choses. Sans renoncer, même si tout n'est pas rose, je dépose pour nous une prière dans cette prose. Ce soir une nouvelle journée s'achève. N'aie pas peur, dans quelques heures le soleil se lève. Quand la lumière prendra la relève, relaxe-toi pour une fois, accorde-toi une rêve. Toi, percé, Thomas là s'en remet. Et l'âme versée, un secret pour toi plaide. Sois fort, faut pas abandonner, malgré mauvais sort, là où peut tourner. Encore, faut tout donner. Car tôt ou tard, ton heure va sonner. Faut pas perdre espoir, même si tout est noir, même loin de la victoire. Faut toujours y croire, avancer, sans penser au passé, évincer toutes nos mauvaises pensées. Faut pas perdre espoir, quelle qu'en soit la cause, à nous de voir le bon côté des choses. Sans renoncer, même si tout n'est pas rose, je dépose pour nous une prière dans cette prose. Regarde le monde autour de toi, cette planète ronde aux multiples éclats. Dis-toi qu'à chaque seconde, tout peut changer, rien n'est figé, chaque geste compte. On n'est pas les plus à plaindre, ne laisse pas les coups bas de la vie t'atteindre. Pas toi, ne regarde pas en arrière, le futur est devant toi. Parfois, le plus dur, c'est de garder la foi. Le cœur le plus pur triomphera. Faut pas perdre espoir, même si tout est noir, même loin de la victoire. Faut toujours y croire, avancer, sans penser au passé, évincer toutes nos mauvaises pensées. Faut pas perdre espoir, quelle qu'en soit la cause, à nous de voir le bon côté des choses. Sans renoncer, même si tout n'est pas rose, je dépose pour nous une prière dans cette prose. Faut pas perdre espoir, quelle que soit l'épreuve que l'on t'envoie. Malgré les faux pas, ne désespère pas. Ok. Garde confiance. J'ai fait l'erreur d'abandonner, de squatter des heures, les bandonner. Je passais mon temps à déconner pendant que la vie me passait sous le nez. J'attendais rien de bon pour la suite, mais j'avais tort de tout gâcher. Confronté à la mort trop vite, j'ai découvert que tout s'achève. C'est seulement plus tard que j'ai compris que tout ce qui manque à l'appel continue tous les jours de vivre avec nous si on s'en rappelle. Alors pour eux, faut que je me surpasse pour qu'ils soient fiers depuis les cieux. C'en est fini de faire du surplace, faites-moi place, mesdames et messieurs. Faut pas perdre espoir, même si tout est noir, même loin de la victoire. Faut toujours y croire, avancer, sans penser au passé, évincer toutes nos mauvaises pensées. Faut pas perdre espoir, quelle qu'en soit la cause, à nous de voir le bon côté des choses. Sans renoncer, même si tout n'est pas rose, je dépose pour nous une prière dans cette prose. Faut pas perdre espoir, même si tout est noir, même loin de la victoire. Faut toujours y croire, avancer, sans penser au passé, évincer toutes nos mauvaises pensées. Faut pas perdre espoir, quelle qu'en soit la cause, à nous de voir le bon côté des choses. Sans renoncer, même si tout n'est pas rose, je dépose pour nous une prière dans cette prose. Yeah! Injection verbale, injection verbale. Faut pas perdre espoir, perdre espoir. On fait notre histoire, donc ça nous dit croire. Thank you.